Little boy, how we looking? Bleu, bleu. Comme son là. Wow. Aujourd'hui, nous vendredi, ou j'accepte ça, ça veut dire, faut nous sortir. Nous pas là pour jouer la comédie. On dit oui, on pas là pour oui, ouvert ça, bon moins. On kiffe un grand, les gros Pakistan, ton gîte, les gros tsunami. On pas vine pour plaisanterie, pas qu'au point d'être chéri. Nous arrivons en soirée, c'est pour décompresser, à pas pour veiller le monde. Bouge ton fessier, nous là pour amuser nous. Nous là pour confier en nous, si pour grand café retard, ma pour white. Ni des piranhas en salade, ni des chiens aussi. C'est le bluff qui a mettre ça haut, c'est le bluff qui a mettre ça chaud. Bon coq en bonda aïe, bon coq en bonda aïe. C'est hot, c'est caliente, c'est hot, c'est caliente, c'est hot, hot, hot. Moi dis qu'on ça c'est hot, hot, hot, hot. Wow, on veut en chabine à belle classe, on veut en négresse à belle classe. Bon bye, bon tapeur, assis, fesses en complexe. Nos steps sont qui d'un Mbappé du vent quand là. En obligé ma kébula. C'est caliente, c'est hot, c'est caliente, c'est hot, hot, hot. Moi dis qu'on ça c'est hot, hot, hot, hot. Wow, les ou parés en parés pour coquer. Pas mis un carbone pour tout ça. C'est calamonda, ouais, tout pas, tout, ouais, tout pas. No habla, fanny top ou ça, fanny top ou jacassé. C'est hot, c'est caliente, c'est hot, c'est caliente, c'est hot.